Dialogue 1. Bonjour madame, pour aller à la place Kléber, s'il vous plaît. Ce n'est pas très loin. Vous allez tout droit jusqu'à la poste. Au carrefour, vous tournez à droite, c'est la rue des Grandes Arcades. Vous continuez, vous passez devant une banque et la place Kléber est à gauche. Merci beaucoup. Dialogue 2. Excusez-moi, je suis perdue. Je cherche la rue des Bœufs. Alors, la rue des Bœufs. Au carrefour, vous prenez la rue du Vieux Marché aux Poissons. Vous passez devant le musée historique et la bibliothèque. Vous traversez le pont et vous arrivez dans la rue des Bouchers. La rue des Bœufs, c'est juste après l'école. C'est la deuxième à gauche. Très bien. Et où est la cathédrale ? Juste ici. Oh, bah oui. Merci.